Chapitre 7e. Le lendemain, vers 7 heures du soir, une femme qui venait de descendre d'un coupé à l'angle du boulevard suivit le trottoir de la rue Lepelletier jusqu'à la grille de l'hôtel de M. Dallone. Un instant, elle s'arrêta pour regarder le profil blanc de la tête de Niobé qui dormait dans son lit d'herbe. Puis elle tira vivement le bouton de la sonnette. Un vieillard parut et fit tourner la porte de fer sur ses gonds rouillés. Un aboiement retentit au fond du jardin et on entendit s'agiter la chaîne rivée au collier de l'épagneul. À la vue d'une femme, le vieillard étonné se découvrit. Madame Deinsfeld lui fit signe de passer dans sa loge et l'y suivit. Quand ils furent seuls, elle leva son voile. Le vieux serviteur poussa un cri. « Votre maître m'attend, Jacques, » lui dit Esther. « Il va venir. Voulez-vous me conduire dans l'appartement qu'habitait Madame Dallone ?» Une pâleur de mort s'était répandue sur le visage de Jacques. Incapable de répondre, il prit silencieusement un trousseau de clés accroché à un clou et marcha vers le perron. Madame Deinsfeld marchait après lui. Comme il mettait le pied sur la première marche, le chien sauta hors de sa niche et, secouant sa chaîne, hurla d'une façon terrible. Le bougeoir vacillait aux mains de Jacques. Il voulut pousser la clé dans la serrure, mais le fer tremblant glissait contre le bois. « Donnez !» lui dit Esther, et prenant la clé, elle ouvrit la porte, franchit le seuil et s'avança vers l'escalier des appartements supérieurs. Cette fois, c'était elle qui marchait en avant. Jacques la suivait. Esther, quand elle fut sur le palier, s'arrêta et se tourna vers Jacques, la main tendue. Le vieillard baissa ses yeux pour ne pas regarder ce visage pâle qu'entourait un voile noir. Il prit une clé dans le trousseau et la lui donna. Avec cette clé, Madame Deinsfeld pénétra dans l'appartement d'où sortit un air humide et froid. Elle alluma silencieusement 2 bougies et s'assit dans un fauteuil au coin de la cheminée. « Laissez-moi, » dit-elle à Jacques, « j'attendrai seul. » Jacques sortira lentement. Quand la porte se fut refermée sur lui, il s'appuya contre le mur pour ne pas tomber et descendit l'escalier en chancelant comme un homme ivre. Arrivé sur le perron, il s'affaissa sur ses genoux et fit le signe de la croix. Le chien hurlait toujours. Une heure après, un homme seul et à pied tourna le coin de la rue de Provence et entra dans la rue Lepelletier. 8 heures sonnaient à la mairie du 2e arrondissement. Il n'y avait, sauf M. Dallone, personne sur le trottoir de la rue Lepelletier. Au moment où il côtoyait la grille du jardin, une lumière rougeâtre qui filtrait par les persiennes du premier étage frappa ses regards. Il leva les yeux. De longs aboiements retentissaient dans l'ombre du jardin. Cette lueur et ce bruit apprirent au comte qu'Esther l'attendait. Il poussa la grille et entra dans le jardin. Jacques était assis sur un petit banc, les mains pendantes le long du corps, la tête raide, les yeux ouverts et fixes. À la vue de son maître, il se leva. « Est-elle venue ?» lui demanda M. Dallone, qui hésitait à franchir le seuil. Jacques inclina son front ridé et lui montra du doigt les fenêtres où brillait une clarté rouge. M. Dallone passa et s'enfonça dans le corridor. Quand il entra dans la chambre à coucher d'Esther, l'étrangère était debout devant la cheminée. Elle avait jeté sa pelisse et son chapeau sur un meuble et les bras croisés sur sa poitrine, elle attendait. Tout autour d'elle était encore dans l'ordre où Madame Dallone avait laissé son appartement le jour de son départ. Les bougies, avec leurs mèches à demi consumées, étaient au bras des candélabres. Quelques tisons noircis gisaient parmi les cendres dans le foyer. Un mouchoir montrait sa dentelle sur la soie d'un canapé. Les tentures pourpres allongeaient leurs plis lourds devant les fenêtres. Il y avait un livre ouvert sur une console et des ouvrages de broderie dans une corbeille sur un guéridon. Soit hasard, soit volonté, Madame Deinsfeld portait un costume absolument semblable à celui qu'avait Esther à l'heure où elle avait quitté Paris, une robe de taffetas bleu. M. Dallone s'arrêta sur le seuil. Ses yeux éblouis semblaient compter chaque objet tour à tour. Quand il les reporta sur sa femme qui attendait dans un silence effrayant, tout son sang afflua vers le cœur. « Esther, Esther » s'écria-t-il, et il s'élança vers elle les bras ouverts. « À laquelle parlez-vous ? » lui répondit Madame Deinsfeld. « À vous, à elle, peu m'importe !» s'écria le comte. « Il n'y a plus qu'une Esther pour moi. Je vous vois, je vous entends, je vous aime, et le reste n'est plus rien. Si vous êtes une ombre, emportez-moi vers les régions inconnues où vous vivez. Si vous êtes une femme créée par Dieu à l'image d'Esther, oh, ne me repoussez pas. Si vous saviez combien j'ai souffert depuis son absence, elle était présente partout, je ne savais pas combien elle m'était chère. » « Si chère, répondit Madame Deinsfeld avec un sourire moqueur, que vous m'aimez par ricochet. Vous êtes cruelle, madame, reprit Henri tristement. Peut-être en avez-vous le droit, mais si vous pouviez lire dans mon cœur, vous auriez quelque pitié de cet amour insensé qu'allume votre vue, qu'irrite vos dédains. Tenez, je sens que je deviens fou rien qu'à vous regarder. C'est ainsi qu'elle était, belle et touchante dans sa mélancolie, fière et résignée dans son malheur. Elle appuyait son coude comme vous sur ce marbre, sa tête pâle s'inclinait sur sa main, elle avait ce même regard, ce même sourire, je la vois en vous voyant. Esther, est-ce vous ? Et M. Dallone tomba sur ses genoux et prenant la main de Mme Dinesfeld, il y colla ses lèvres. Mme Dinesfeld la retira lentement. Parler à une femme de son amour pour une autre femme n'est pas un moyen d'émouvoir son cœur. L'Esther qui vous écoute n'est pas l'Esther que vous pleurez. Que lui voulez-vous ? Eh bien, meurt donc le souvenir de l'autre, s'écria M. Dallone. Dans le cœur où vous régnez, peut-il y avoir une pensée qui ne soit pas à vous ? Cette Esther dont vous me parlez, elle est morte. Vous êtes vivante et près de moi. Esther, vous m'entendrez. Ainsi, ce n'est plus à l'autre que vous parlez, c'est à moi. À vous seul. Au moment où l'étrangère allait répondre, la porte de la chambre à coucher de Mme Dallone s'ouvrit brusquement, et l'épagneul qui avait brisé sa chaîne sauta sur Mme Dinesfeld. Le chien bondissait jusqu'à l'épaule de l'étrangère, léchait ses mains, se roulait à ses pieds et semblait fou. Le comte vit une larme tomber sur la joue de Mme Dinesfeld, et sa main tremblante caressait le museau fauve de l'épagneul. Une lumière soudaine l'éblouit. « Esther, Esther, c'est donc vous ?»« Oui, c'est bien moi, Esther, votre femme, » répondit Mme Dinesfeld, les yeux étincelants et la tête haute. Le comte voulut s'élancer, Esther l'arrêta d'un geste. « Écoutez d'abord, il faut que je vous dise tout, après, nous nous séparerons. » « Nous séparer ? À présent que je vous ai retrouvé, jamais ! Oubliez-vous donc que je suis morte ? Mon nom est sur la pierre d'un tombeau. Ne vous semble-t-il pas que j'ai payé ma liberté assez cher ?» La tête de M. Dallone retomba sur sa poitrine. « Oh, je n'ai rien oublié, » reprit Esther, « ni mon amour perdu, ni ma confiance trahie, ni mon enfant mort. Vous savez comment, ni la soirée du 17 octobre, rien, vous dis-je, rien. » Et cependant, je m'efforçais de pardonner. Lorsqu'il y a 8 jours, vous le savez, passant au Pec, où je m'étais arrêté en revenant du Havre, j'entends des éclats de rire au-dessus de ma tête. Je lève les yeux. Vous étiez sur le balcon avec je ne sais quelle femme perdue, buvant et chantant. J'eus froid dans les os rien qu'à vous voir. Cette femme était jolie, vous aviez un bras roulé autour de sa taille. Je crois que vous l'avez embrassée sous mon regard. Voilà donc quel souvenir vous laissait ma mort. Une pensée infernale traversa mon esprit et je vous écrivis ce billet qui vous a conduit à ce bal de l'opéra où vous m'avez vu. L'amour de la vengeance m'avait mordu au cœur. Je me suis vengé. » Esther marchait par la chambre en parlant. La colère, le désespoir, le regret, 1000 passions diverses bouleversaient son visage. Puis elle continua d'une voix triste. « Et croyez-vous que je sois heureuse ? Je me suis dévouée à la vie d'un homme qui m'a sauvée. Il ne sait rien de mon passé, rien, sinon qu'il m'a ramassée sur le bord d'un torrent, inanimée et froide. Mais les jours d'à présent sont-ils comme les jours d'autrefois ? Vous ne voyez pas, vous, tout ce qu'il y a d'amertume et de désespoir dans mon cœur. Je n'ai plus même de nom. Je suis morte pour les hommes, et l'espérance est morte pour moi. » 2 larmes brûlantes tombèrent des yeux d'Esther et elle se tut. M. Dallone joignit les mains. « Esther, revenez à moi, » dit-il d'une voix suppliante. Esther releva sa tête un instant inclinée sur son sein. « Non, » dit-elle, « Arnold m'attend. » À ce nom, M. Dallone se jeta entre Esther et la porte avec une explosion de colère. « Arnold, c'est le nom sans doute de cet homme qui vous accompagne. Et vous avez pu croire que je vous rendrai à lui ? Non, non, vous ne sortirez pas de cette chambre. » Esther ouvrit froidement sa robe et montrant sur sa poitrine la cicatrice que la balle du comte y avait laissée autrefois, elle s'écria « Vous vous êtes servi du pistolet une première fois. Vous servirez-vous du poignard aujourd'hui ? » Henri, foudroyé, tomba sur le tapis. Esther ouvrit la porte et se retira sans détourner la tête.